Seigneur, merci encore parce que, comme les disciples d'autrefois ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors Seigneur, on veut te prier que ce pain de vie, ces paroles de la vie éternelle puissent être ancrées profondément, non seulement dans le cœur de Sylvain et de son épouse, mais de ceux qui les entourent, de ceux qui nous ont partagé. Seigneur, que ta parole puisse être leur soutien encore. Que ton esprit, Seigneur Dieu, pendant ces croyants, puisse leur rappeler que tu ne les as pas oubliés, qu'au sein de la détresse, tu es là, tu marches avec nous. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, je vous laisse la paix, vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, je veux juste te prier pour que, en tant que communauté chrétienne, on puisse les soutenir, les encourager, les élever vers toi par nos prières, afin, Seigneur, que tu touches leur vie. Que, Seigneur, tu te rendes visible à leur cœur, à leur foi, pour ta gloire, pour leur bien, ici, maintenant, et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Bon courage, mon frère. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'Évangile de Jean. Mon frère va placer le PowerPoint. Ce matin, on va regarder des premières rencontres avec Jésus parce que l'Évangile de Jean nous rapporte que Jésus est venu à notre rencontre. Jésus est venu à la rencontre de ses créatures. On avait vu ça dans le premier chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a fait sa tente, elle a tabernaclé parmi nous. La parole, Dieu lui-même, il est venu vers nous. Et dans les cinq premiers chapitres de l'Évangile de Jean, bien, on voit que l'évangéliste Jean nous rapporte des rencontres. Jésus est venu nous rencontrer, alors il va nous présenter des rencontres de Jésus avec des individus. Des individus qui vont rendre témoignage de leur rencontre inoubliable, transformatrice avec lui. Et le premier témoignage que Jean nous donne est celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le premier à rendre témoignage de Jésus. Et tout comme un journaliste ou un reporter, ben il est témoin des gens et il est témoin des événements et il rend témoignage. Ce matin, on va voir le témoignage de Jean-Baptiste, le premier reporter officiel de sa rencontre avec Jésus. Et puis dans la deuxième partie du chapitre 1, c'est ce qu'on va voir. On va voir son reportage. Et non seulement son témoignage, son reportage, mais l'influence que ça a eu, son reportage, son témoignage autour des gens autour de lui. Alors, comme on peut prier que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse le contempler, lui, et qu'on puisse être encouragés ensemble à témoigner, nous aussi, à avoir une influence sur ceux qui nous entourent. Ce matin, on va procéder par quelques lectures. On va. Est-ce que je suis dans la bonne. Alors. On. Oh! Hey, c'était parti, là. OK, ici. On va avoir quelques lectures que je vais commenter, en réalité, ce matin. Premièrement, le témoignage de Jean-Baptiste et sa première partie de son témoignage, c'est son témoignage sur lui-même. Alors, je vais lire Jean 1, les versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur, » comme a dit Ésaïe le prophète. ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui proposèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean-Baptiste va parler de son témoignage sur lui-même. Il va commencer par dire que ce qui n'est pas. Les Juifs du temps de Jésus, ils attendaient le Messie, le Christ, celui qui allait rétablir le royaume de Dieu, puis botter les Romains à l'extérieur, établir son royaume ici-bas sur la terre, comme promis dans l'Ancien Testament. Alors la première question, il pose, t'es-tu le Christ? Et puis Jean-Baptiste, il dit non. Mais alors, t'es-tu Élie? T'es-tu le prophète? Et Jean-Baptiste, il dit non, moi je suis pas Élie. Parce que les Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, ils savaient qu'est-ce que le dernier livre de l'Ancien Testament avait affirmé. Malachie, chapitre 4, verset 5, ça disait, Dieu avait dit, « Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » T'es-tu Élie qui vient et qui est avant ce grand jour redoutable, le jour de l'Éternel qui va écraser les ennemis? T'es-tu Élie? Jean-Baptiste dit non. Ben, t'es-tu le prophète d'abord? Le prophète, c'est Moïse dans Deutéronome. Il avait dit que plus tard, Deutéronome chapitre 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans ton tréfrère, un prophète comme moi. » Et puis vous allez l'écouter. Est-ce que t'es le prophète que Moïse avait prophétisé que Dieu enverrait? Ce prophète qui était annoncé? Et Jean-Baptiste, il dit, non. C'est qui d'abord? T'es qui, toi? Je trouve ça drôle parce que quand j'étais enseigné dans le Nord, chez les Naskapi, il y a souvent des profs qui viennent dans le Grand Nord, Kabawachikomak, dans 12 heures de train en haut de Fermont. Là. C'est là, j'étais là pendant 5 ans. Et beaucoup de professeurs vont enseigner, puis l'année d'ensuite, ils en ont assez. Moi, j'ai aimé ça, j'ai resté là 5 ans avec Alma. Mais souvent, les Naskapi qui nous parlent, la première chose qu'ils nous disent, c'est « T'es qui, toi? T'es qui, toi? » Ben, c'est ce que les Juifs, souvent dans l'Évangile de Jean, les Juifs, ça parle des autorités juives. Ce n'est pas toute la population qui a envoyé une gang de monde, c'est la gang du Sanhédrin qui a envoyé quelques Sadducéens puis de Pharisiens demander à Jean-Baptiste qui y était. Mais t'es qui, toi? Alors, Jean-Baptiste répond, ben moi, je suis une voix qui annonce. Je suis la voix qui annonce ce que Ésaïe, chapitre 40, avait dit, « Console mon peuple. » Console Israël. Comment est-ce que tu vas le consoler? Tu vas le consoler par la bonne nouvelle que le Seigneur vient. Le Seigneur vient te rencontrer. Le Seigneur vient te bénir. Alors il dit, moi je suis la voix qui crie dans le désert, préparée à planisser le chemin du Seigneur. Si on regardait Ésaïe 40, il dit, dans ce que dit Ésaïe, bien, c'est le texte. Une voix crie, préparez au désert le chemin de qui? De l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour qui? Pour notre Dieu. Dieu vient vers vous. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas le Christ. Non, je ne suis pas Élie. Non, je ne suis pas le prophète que Moïse a enseigné. Moi, je suis juste une voix. Mais une voix qui annonce quelqu'un. Une voix qui annonce le Messie, Dieu, la bonne nouvelle de la venue du Seigneur. Jean-Baptiste, il est une voix qui est humble et courageuse. Il est une voix qui aide le peuple à redresser. Il dit, je suis là pour rendre facile le chemin qui mène à Dieu. Oh, j'aime assez sur cette phrase-là. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui rend l'accès à Dieu facile. Ça parle à mon cœur. Les gens qui me connaissent, les gens qui vous connaissent, est-ce que vous êtes des gens qui, finalement, rendez facile l'accès à Jésus lorsqu'il vous voit, lorsqu'il vous entend, lorsqu'il vous regarde? Mais c'est ce que Jean-Baptiste fait. Il est cette voix qui rend facile le chemin qui mène à Dieu. Il est une voix qui invite à la repentance et qui pointe au personnage le plus important. Et il dit qu'il l'a précédé, puis il dit qu'il va le suivre. Il trouve cette personne-là si importante qu'il dit, cette personne-là, là, si j'étais son plus petit esclave, là, je ne me sens même pas digne d'être celui qui détache ses sandales quand il rentre dans la maison. Il voyait Dieu élevé. Jean-Baptiste était une voix humble, une voix courageuse, une voix encourageante. Je dois vous dire que Jésus avait une autre perspective, un autre témoignage de Jean. Vous savez, dans Matthieu, par exemple, dans Luc, il va parler, Jésus va rendre témoignage à Jean-Baptiste. Il dit, qui vous a été voir dans le désert? Un roi bien habillé, bien beau? Elle doit aller voir un prophète? Oui, vous avez été voir un prophète. Et en réalité, plus qu'un prophète, vous avez été voir le messager de Dieu, celui qui vient avec l'esprit, avec la puissance d'Élie, pour ouvrir la voie, la venue du Dieu vivant. Ça, c'est ce que le témoignage que Jésus a donné. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parenthèse pour vous et moi, mais nous qui sommes dans le royaume de Dieu, qui sommes entrés, qui sommes partis de la famille de Dieu, on est encore plus élevés que Jean-Baptiste dans le royaume de Dieu. Nous aussi, alors, avec courage, on doit pointer les gens vers Jésus. On doit rendre facile l'accès des gens vers Jésus, à travers nos paroles, à travers notre témoignage, à travers notre comportement. Le témoignage de Jean-Baptiste sur lui-même, et nous allons lire les versets 29 à 34 pour le témoignage maintenant de Jean-Baptiste sur Jésus. Comment est-ce qu'il perçoit Jésus? Verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et lui dit, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste parle, donne son témoignage, il dit, « Jean rendit ce témoignage-là, il dit, et je rends témoignage à la fin, et j'ai rendu témoignage, il est le Fils de Dieu. » Jésus, il dit, il est le Fils de Dieu. En préparant la voie de notre Dieu, la voie du Seigneur, Jean affirme qu'il était avant lui, puis qu'il était après lui. Il était l'Éternel, finalement. Jésus est le début, Jésus est la fin. Dans la Bible, on va dire, il est l'alpha, il est l'oméga, alpha la première lettre de l'alphabet grec, oméga la dernière lettre de l'alphabet grec. Alors, il est le début et la fin. Il dit, Jean-Baptiste, il dit, celui-là, je ne le connaissais pas. Mais je sais, par exemple, il était là depuis toute éternité, puis il va être là bien après moi. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et ça s'est confirmé lorsqu'il a dit, celui qui m'avait envoyé, il a dit, quand tu vas voir l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, c'est lui le Fils de Dieu. Et il dit, c'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que j'ai rendu témoignage. Puis à son tour, ben, Jean-Baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau, un baptême de repentance. Un baptême qui dit, je me détourne de mes péchés et je veux marcher avec Dieu. Jean-Baptiste dit ça, c'est un baptême d'eau, un baptême de repentance. Mais il dit, celui qui me suit, par exemple, lui, il va faire quelque chose d'autre. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il va faire amener Dieu en vous. Il va vous faire naître de l'Esprit. Il va vous rendre participant de son corps à lui. Vous allez devenir... L'Église, là, j'ajoute des mots, mais c'était la perspective de Jean-Baptiste. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il va vous incorporer dans son corps. Il va créer de vous un nouveau peuple, l'Église. Jésus, le Fils de Dieu, il dit, il est l'alpha, l'oméga. Mais aussi, il dit, Jésus, quand il le voit, pour qu'il puisse nous incorporer dans son corps, pour qu'on puisse devenir l'Église, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, tellement riche comme information. Jean-Baptiste, il regarde Jésus et dit, Jésus, c'est l'agneau. Les gens comprenaient tout de suite, c'est quoi un agneau? Dans l'Ancien Testament, l'agneau était l'animal que l'on amenait pour le sacrifice. Et l'agneau y était offert comme substitut du coupable. Vous venez confesser vos péchés, amenez pas un sacrifice avec vous. Jésus est le sacrifice. Jésus est l'agneau. Jésus, il va venir vers vous et il va prendre vos péchés. C'est l'agneau, le substitut du coupable pour le pardon des péchés. Et si l'Ancien Testament, il y avait juste des agneaux qui n'étaient jamais parfaits, qui étaient imparfaits, ben Jésus, lui, il est l'agneau parfait. Il est le substitut qui est sans tache, qui est offert à notre place pour vos péchés, pour nos péchés. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, ça c'est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau que vous allez apporter, là. C'est l'agneau que Dieu apporte. C'est l'agneau de Dieu. C'est Dieu lui-même qui pourvoit à ce sacrifice. C'est Dieu lui-même qui pourvoit à l'agneau. Ça me rappelle tellement Abraham et Isaac dans Genèse chapitre 22, hein, où Dieu dit à Abraham, « Va sur le mont Morija, le calvaire, c'est la même place, et offre-là ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va là et offre-le pour moi. » Abraham se lève de bon matin et il va. Il y a ses serviteurs. Puis à un moment donné, il laisse ses serviteurs en arrière. Puis il y a juste Isaac. Puis il commence à monter vers le mont Morija. Puis Isaac, il dit à son père, « Ben voyons, papa, oui, il manque quelque chose. T'as le couteau, t'as le bois. Puis où le sacrifice? Il est où l'agneau? » Et Abraham de répondre, je ne sais pas, « Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. » Et il l'a fait de façon miraculeuse. Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui pourvoit au sacrifice, de sorte que mon salut est une grâce que je ne mérite pas, est un don gratuit. Je ne peux pas acheter le pardon de mes péchés. Christ l'a fait parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a le pouvoir de ôter les péchés. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas ôter les péchés. On pouvait juste les couvrir par le sang des agneaux qui étaient imparfaits. On pouvait juste couvrir le péché. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui l'ôte. Sur la croix, Jésus s'est offert comme une victime qui est substitutive. Lui, juste pour des injustes, pour nous amener à Dieu, dit Pierre. Il est une victime qui est substitutive. Il est une victime qui est un sacrifice expiatoire, qui paye pour mes péchés et qui a pour objectif de enlever, d'effacer, de laver tous nos péchés, tous les péchés de tous ceux qui placent leur foi en lui. Jean-Baptiste voit Jésus et dit, ça c'est l'agneau que Dieu a pourvu pour enlever tes péchés, et non seulement tes péchés, mais qui ôte les péchés du monde. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le paiement pour nos péchés et pour ceux du monde a été fait par Jésus pour nous. Et il suffit pour chacun de nous de comprendre ce message-là et de le réclamer. Pas juste de le comprendre. Pas juste de penser que j'ai un milliard de dollars dans la banque. C'est inutile si je m'en sers pas pour acheter mon bacon le lundi matin. Parce qu'il est resté là. Le sang de Christ, il est efficace. Il est suffisant pour tous. Mais il nous faut recevoir. C'est ce que Jean disait dans le premier chapitre. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, Paul va dire dans Romains chapitre 10, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il faut l'invoquer. » Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et son sacrifice, il est suffisant pour tous, mais il est efficace seulement pour celui qui place sa foi en Jésus, pour celui qui croit. Jean-Baptiste, il nous invite, en regardant à Jésus, à contempler sa beauté, la beauté de Jésus, sa grandeur, son sacrifice immense. Et quand je le regarde, ça m'amène à considérer ma propre petitesse, mon propre privilège d'être appelé un ami de Dieu, un frère de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour, Jésus disait, que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça pour vous, il a fait ça pour moi. Et Jean-Baptiste dit, regardez-le, considérez-le, il vient vers vous. C'est aussi réaliser que cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il ne nous abandonnera jamais. Parce que si Dieu a tellement investi pour notre salut dans la personne de Jésus, il va-tu nous lâcher quand ça va un peu moins bien? Si je m'étais acheté une Cadillac, c'est peut-être plus bon, un Hummer peut-être, ça serait plus... Si je m'étais acheté un Hummer, puis que soudainement le prix du gaz est à 2,5 $ le litre, si j'ai les moyens de m'acheter un Hummer, peut-être que je vais avoir les moyens de mettre du gaz dedans, même si c'est 2,5 $ au lieu d'une 1,5 $. Mais la Bible a dit la même chose. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses? Celui qui a rien ménagé pour mon salut, c'est le même qui ne ménagera rien pour marcher avec moi jour après jour, même dans la difficulté. Témoignage de Jean-Baptiste pour lui-même, témoignage de Jean-Baptiste pour les autres. Regardons finalement son influence, l'influence de Jean-Baptiste sur ceux qui l'entouraient. D'abord sur Jean et sur André, dans les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez! » leur dit-il, les voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean puis qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jean-Baptiste, il témoigne de Jésus et il influence ceux qui sont autour de lui. Il commence par deux disciples. Jean, il s'appelle toujours le disciple. Il ne dit pas « c'est moi Jean, là, ouh, c'est moi ». C'est le disciple que Dieu aimait, le disciple sur lequel il mettait sa tête sur le sein de Jésus. C'est le disciple. Et il était avec André. Et André, lui, ça donnait, il était le frère de Pierre, de Simon-Pierre. Alors, sur la présentation de Jésus par Jean-Baptiste, deux des disciples, Jean et André, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de suivre Jésus. Parce que le but de Jean-Baptiste, ce n'était pas d'amener les gens à lui, c'est d'être une voie pour rendre facile le fait d'aller vers Jésus. Alors, c'est ce qui arrive. Deux disciples se mettent à suivre Jésus. Et Jésus devient leur rabbi, leur maître, leur seigneur. Et quand Jean y écrit ça, dans les années 90, alors que c'est arrivé dans les années 30, une soixantaine d'années plus tard, il s'en rappelle comme si c'était hier. Le moment de décision dans sa vie où il a décidé de suivre Jésus. Il a dit que c'était la 10e heure, cette journée-là. Il était comme les Romains, il commençait à 6 heures, fait que la 10e heure. C'était la 4 heures de l'après-midi quand c'est arrivé. C'est quand c'est arrivé, quand j'ai pris le choix, la décision de suivre Jésus. Et c'est encore très clair dans sa tête. 60 ans plus tard, il écrit dans son évangile. Je me demande pour moi-même ou pour toi, sais-tu toi quand tu as rencontré Jésus? Sais-tu toi quand tu as pris la décision de le suivre, d'être sauvé? On t'a présenté Jésus puis tu as dit, c'est lui que j'ai besoin. Prends-moi Seigneur, sauve-moi. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. Le moment de ta conversion, est-ce qu'il est encore aussi frais dans ta mémoire? 23 décembre 1976, moi je vois ça dans ma tête à tout bout de champ, dans le rang Lénès au 2e étage, au bout du corridor, ou dans Marc chapitre 5, Dieu m'a appelé, il m'a rencontré là, il m'a sauvé, ça fait près de 50 ans, je m'en souviens. Et peut-être que tu dis, ben moi je me souviens pas de la date, puis de l'heure, puis d'exactement, mais est-ce que tu te souviens qu'un jour tu as pris la décision de suivre Jésus? Peut-être que ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas de l'heure, de la place, mais est-ce que c'est clair dans ta tête? Un jour, j'ai pris la décision de dire, « Seigneur, sauve-moi. Prends mes péchés, tu es venu à la croix pour ça. Sauve-moi et sois mon maître. Je veux marcher avec toi. » Cette décision-là, elle doit être comprise dans ta tête. Elle doit être claire. Et pas juste, comme je parlais dimanche passé à une personne à l'église, « Ben, comment t'es venu au Seigneur? » J'ai demandé ça, « Comment t'es venu au Seigneur? » « Ah, ben, tu sais, moi, mes parents sont chrétiens. » Ouais, mais Jésus, Dieu, il y a juste des enfants, il n'y a pas des petits-enfants. Là. Il faut que tu deviennes son enfant toi-même. Là. C'est toujours des... Et je m'étonne que parmi nos communautés chrétiennes, de deuxième génération, plusieurs n'ont pas la notion de « je me suis converti ». J'ai été sauvé, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. C'est comme tout flou, cette affaire-là. C'est j'aime Jésus, je lis sa parole, je prie. Oui, il y a plusieurs gens qui font ça à travers le monde. Ça ne garantit pas d'être un chrétien. Jésus a invité par la suite André et Jean à partager son existence. Puis cette soirée-là, pour Jean, ça a été le début d'une aventure merveilleuse, inoubliable, transformatrice, contagieuse. Tout de suite, André, il s'est levé, puis il a été partager son expérience avec son frère Simon. On dit, on a trouvé le Messie. André a intéressé son frère à la personne de Jésus, puis il a dit « Viens voir ». Il l'a conduit à rencontrer Jésus. Et c'est ça, partager l'Évangile, bien plus que faire une prière automatique que j'ai priée il y a tant d'années. Puis c'est d'avoir été conduit vers Jésus. L'influence de Jean-Baptiste s'étend sur Jean, s'étend sur André, et il s'étend sur d'autres personnes, sur Nathanaël, sur Philippe, les versets 43-51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Wow, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Ben, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean-Baptiste a une influence sur Jean et André. André va voir son frère. Et le lendemain, il rencontre des gens du même village, Philippe et Nathanaël. Le cercle s'agrandit. Jésus commence par rencontrer Philippe, que André connaît bien, ils sont de la même village. Et Philippe, à son tour, il va voir Nathanaël, puis il l'invite, « Viens voir, viens et vois. » Et en très peu de temps, 24 heures, 48 heures, je ne sais pas, mais Jésus se retrouve avec 5 disciples, suite à l'influence et au témoignage de Jean-Baptiste. Et ça nous amène à considérer Jésus, à regarder à lui. Comment ça se fait qu'en moins de 2 jours, il y avait 5 disciples qui sont collés à lui? Simplement d'abord parce que Jésus accueille. Jésus accueille ceux qui viennent à sa rencontre. Jésus a toujours les bras ouverts. Il veut nous recevoir. Il est venu pour nous rencontrer et il veut nous recevoir. Chaque personne est différente. Puis Jésus les accueille différemment, personnellement chacun. Pour André, pour Jean, c'était à travers une soirée inoubliable où Jésus a donné de l'hospitalité, puis il a dit « Viens, on mange avec nous autres », puis ils ont placoté toute la soirée, puis ça a été fait pour Jean. André était converti, ça a commencé à 4 heures de l'après-midi, puis ça a duré le restant de sa vie. Jésus m'a accueilli chez lui, il a dit « Viens, on mange avec nous autres », puis il a passé la soirée avec. Ça vous arrive d'inviter des gens comme ça? Pour Simon, Simon, toi, tu vas devenir un pilier. Tu vas devenir un roc. Tu ne seras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, Céphas, parce que j'ai un plan pour toi. Tu vas devenir un pilier de l'Église. Tu vas devenir un roc solide. Jésus, il voyait des personnes. Il ne voyait pas leur misère, leur faiblesse. Il voyait leur potentiel. Pour Philippe, c'était simple. Suis-moi. Et puis ça, c'est le cas de la vie chrétienne. Moi, je suis Jésus. Et Jésus dit, suis-moi. Philippe, ça a été suffisant pour ça. Nathanaël, lui, est un peu plus sceptique. Jésus de Nazareth, viens-tu quelque chose de bon de Nazareth? Alors, il arrive Jésus, puis Jésus dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a, toi, là? Comment ça se fait que tu doutes de moi parce que je viens de Jésus, parce que je viens de Nazareth? Tu n'as pas lu ta Bible? Il y en a plein. Amos, il vient de là. Comment ça, le chialer? Non. Ah, Nathanaël, hey! Voici quelqu'un qui a du cœur. Voici quelqu'un qui est intègre. Voici quelqu'un qui est sincère. Et il sait déjà tout de lui. Et tu sais, quand tu étais en dessous du figuier, je t'ai vu quand Philippe t'a parlé. Mais je ne te taperai pas sur la tête parce que tu es sceptique à mon égard. Non, non. Jésus, il voit le bien des gens. Et il les voit avec un plan merveilleux pour chaque personne. Nathanaël est tout surpris. Ah, ben, t'es le fils de Dieu, t'es le roi d'Israël. Puis Jésus dit, il n'y a rien là. Tu penses ça parce que je t'ai vu en dessous du figuier, il n'y a rien là. Marche avec moi, tu vas voir les choses merveilleuses qui vont arriver. Qui vont arriver quand tu marches avec Jésus. Marche avec moi. Tu n'as pas fini d'être émerveillé. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Bien, Jésus nous appelle encore ce matin. Il nous appelle à le rencontrer. Il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le refléter. Il nous appelle à le célébrer. Est-ce que tu as rencontré Jésus? C'est qui pour toi? Jean, il nous en a présenté les premières rencontres avec Jésus, mais Jésus, il n'a pas fini. Jésus continue de rencontrer les gens. J'aime donner mon témoignage, comment j'ai été sauvé. Il y a quelques semaines, je l'ai donné sur un site internet, Crois-tu? Ça a passé à Télémag, ça passait. Mais ce que je dis toujours au début, c'est, moi, je suis content d'être ici parce que je veux vous dire que Jésus m'a cherché et il m'a trouvé. Savez-vous quoi? Si vous êtes là, il vous cherche. Puis s'il ne vous a pas trouvé, bien, ouvrez votre cœur à lui parce qu'il vous cherche. Il voudrait vous trouver. Et je raconte mon histoire. Parce que c'est ça que Jésus a fait. Et il nous recherche, il recherche encore des gens pour le sauver. Et une fois qu'il les a trouvés, il les appelle à le suivre. Et en le suivant, on voit sa gloire. On voit sa gloire à travers les belles choses de la vie, puis on voit sa gloire aussi à travers les épreuves de la vie, parce qu'il se sert souvent de ces épreuves pour nous transformer progressivement à sa ressemblance. Et on marche avec lui et on goûte même à travers les difficultés sa puissance à travers nos défis. On regarde 1 Thessaloniciens chapitre 1 à l'école du dimanche ce matin. Et c'était un des témoignages de Paul. Quand j'ai prêché l'Évangile, j'ai vu l'Esprit de Dieu travailler avec puissance avec vous. Oui, et il n'avait pas facile, 1 Thessalonicien, les Thessaloniciens du premier chapitre. Suivre Jésus pour voir sa gloire. Parce que l'épreuve, c'est souvent l'occasion de se tourner vers Jésus, puis affirmer notre foi, puis jouir de sa paix. Mais non seulement Dieu nous appelle à le rencontrer, à le suivre, il nous appelle aussi à le refléter, comme Jean-Baptiste a fait, avoir une influence sur ceux qui nous entourent, les invitant vers Jésus. Viens et vois. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que l'autre disciple a dit. Viens et vois. Parce que les gens, ils rencontrent Jésus sur l'invitation des croyants. Il faut comprendre ça. Les gens vont rencontrer Jésus si les croyants les invitent. Dieu serait capable de sauver tout le monde sans se servir de nous autres. Mais dans son plan électif, il a choisi de sauver des gens par la folie de la prédication. Il a choisi de dire, je vais sauver les gens que les croyants invitent. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Les gens rencontrent Jésus sur invitation parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses reporters. Et Jésus, il compte sur moi, il compte sur chacun de vous pour inviter les gens. Viens et vois, je voudrais te présenter Jésus. Non seulement le refléter par nos paroles, notre comportement, mais on est appelé aussi à le célébrer lorsqu'on est ses enfants, lorsqu'on l'a reçu, lorsqu'il est notre sauveur. On est appelé à se rappeler en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, en mémoire qu'il s'est incarné. C'est pour ça qu'on prend le pain en mémoire de son corps, en mémoire du fait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors on partage aussi la coupe en mémoire de lui, et en se rappelant que nous sommes maintenant son corps. Nous sommes l'Église, nous sommes son corps. On a besoin de veiller les uns sur les autres en attendant son retour. On a besoin de s'examiner. Est-ce que je reflète Jésus dans ma vie aujourd'hui? On est appelé à le célébrer autour de sa table, parce que c'est Jésus le centre de notre adoration. C'est Jésus qu'on a le privilège de connaître, de célébrer et de partager.